Aussi impressionnante qu'elle soit, la carrière d'Elvis conserve un goût d'inachevé. Non seulement parce qu'il est mort trop tôt, à seulement 42 ans, mais aussi parce qu'il n'a pas pu réaliser un de ses plus grands rêves, donner des concerts en Europe. Plusieurs raisons à cela, le manque de salles de spectacle adaptées à l'époque, le fait qu'Elvis ne souhaitait pas chanter en plein air, et puis une raison plus étrange, son agent, le colonel Parker, n'avait pas de passeport américain. Il n'était pas colonel, il ne s'appelait pas Tom Parker et ne voulait pas dévoiler sa vraie identité. Voici l'explication de George Klein, l'ami d'enfance d'Elvis. Il y a deux raisons. D'abord, le colonel Parker n'était pas américain. Il était entré illégalement aux États-Unis. Alors pour emmener Elvis en Europe, il devait demander un passeport. Et à ce moment-là, il aurait été obligé de dire la vérité. Sur son vrai nom et son passé. Et il ne voulait pas dévoiler ça. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Joe Esposito, l'homme de confiance d'Elvis, ne crois pas à cette hypothèse. C'est pas vrai du tout. Il pouvait quitter le pays quand il voulait. Il était copain avec tous les présidents. S'il voulait la citoyenneté, il pouvait l'avoir. Joe a également une autre idée sur la question. Le colonel Parker pensait qu'on ne pouvait pas laisser Elvis débarquer en Europe avec tous ses médicaments avec lui. Il disait, je ne veux pas voir Elvis atterrir là-bas et se faire fouiller, comme pour toutes les célébrités chez qui on pense trouver quelque chose. Elvis arrêté pour trafic de médicaments ou possession d'armes dans l'avion était impensable. Le colonel a dit, tant qu'il aura tout ça sur lui, on n'ira pas là-bas. Les gens ne connaissent pas les coulisses de ces histoires. Pour que ces deux hommes si proches d'Elvis aient un avis aussi opposé sur la question de l'absence de passeport du manager du King, il fallait que le colonel ait vraiment brouillé les pistes sur son passé. La thèse du secret proposée par George Klein semble crédible quand on sait que Parker, de son vrai nom Andreas Van Quick, avait précipitamment quitté sa Hollande natale juste après le meurtre d'une jeune femme à Breda, la ville où il habitait. Et certaines personnes de cette ville l'avaient désigné plus tard comme l'auteur du crime. Tom Parker est mort à Las Vegas en janvier 97, en portant son secret avec lui, mais c'est quand même troublant de penser que si Elvis Presley n'a jamais chanté en Europe, c'est peut-être à cause de l'assassinat d'une jeune fille aux Pays-Bas en 1929. As the snow flies, on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. 'Cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in ghetto. Elvis Presley, In the Ghetto. Magic Elvis, la suite demain avec Philippe Robin.